regarde qu'on leur montre. Et ceux qui regardent leur montrent ce qu'ils pèsent, le pour et le contre, qui ne disent rien en fin de compte. Ceux qui ne sont pas pour sans être contre. Mais que fait la majorité? Et ceux qui font des ronds dans l'eau, au milieu de tout ça, il y a toi et il y a moi, qui voudrait bien mais qui oublie.